بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. On continue inshallah l'explication selon les grands savants de sourate Yusuf عليه الصلاة والسلام et on s'arrêtait au moment où la femme a voulu, du vizir a voulu commettre l'acte interdit, la fornication avec Yusuf, alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala a sauvé son prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a fait intervenir un témoin qui était là et qui a bien demandé de vérifier le qamis de Yusuf. Que s'il était déchiré par derrière, ce serait la femme qui aurait voulu faire zina avec lui. S'il était déchiré devant, ça aurait été le contraire. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a montré ce signe évident. Lorsque la vérité arrive, hein, lorsque la vérité est confrontée au faux, Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a déjà vu, fait toujours intervenir quelque chose ou quelqu'un qui montre clairement la vérité. Ce qui s'est passé ensuite, comme il est mentionné selon le sens des versets, du verset 30 au verset 35, et dans la ville les femmes dirent, la femme de Al-Aziz, c'est-à-dire la femme de ce ministre égyptien, essaye de séduire son valet. Il l'a vraiment rendue folle d'amour. Nous la trouvons certes dans un égarement évident. Lorsqu'elle eut entendu leur fourberie, elle leur envoya des invitations et prépara pour elle une collation. Et elle remit à chacune d'elles un couteau. Puis elle dit, « Sors devant elle, Yusuf. » Lorsqu'elles le virent, elles l'admirèrent, se coupèrent les mains et dirent, « Allah ne plaise, ce n'est pas un être humain, il est un ange noble. » Elle dit, la femme du vizir, « Voilà donc celui à propos duquel vous me blâmiez. J'ai essayé de le séduire, mais il s'en défendit fermement. Or, il ne fait pas ce que je lui commande. Il sera très certainement emprisonné et sera certes parmi les humiliés. » Puis il dit, « Ô mon Seigneur, ma prison m'est préférable à ce quoi elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle et serai du nombre des ignorants. » Mon Seigneur l'exauça donc et éloigna de lui leur ruse. C'est lui vraiment qui est l'audient et l'omniscient. Puis après qu'ils eurent vu les preuves de son innocence, il leur sembla qu'il devait l'emprisonner pour un temps. Taïb. قد شفغها حبا المرأة juste avoir Yusuf عليه الصلاة والسلام c'est comme si elle ne se contrôle plus et elle souhaite faire la fornication avec Yusuf عليه الصلاة والسلام mais alhamdulillah هو Yusuf عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله عز وجل il est un prophète parmi les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le terme qui est utilisé ici, قد شفعها حبا, هذا أعظم ما يكون من الحب. C'est plus que de l'amour. الحب, l'amour, Allah Azza wa Jal l'a mis dans le cœur de ses créatures. لكن الحب في الله والبغض في الله. Mais il est demandé aux croyants qu'il aime ce qu'Allah aime et qu'il déteste ce qu'Allah déteste. يعني الحب الشرعي, c'est-à-dire l'amour qui est légiféré. المؤمن المسلم يحب الله عز وجل يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الصحابة والعلماء السلف الصالح ويحب المؤمنين المسلمين. Le croyant, bien évidemment, il aime Allah tabaraka wa ta'ala, il aime son prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, yuhibbu din al-islam, il aime cette religion, sa religion, c'est ce qu'il a de plus grand, de plus précieux pour lui. Il aime les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, hubb al-sahaba min al-iman wa bughduhum min al-nifaq. Aimer les compagnons fait partie de la foi. Quant au fait de les détester, cela fait partie de l'hypocrisie. وحب العلماء, il aime les savants. إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui craignent le plus Allah sur cette terre, ce sont les savants. Donc il aime ceux qui craignent le plus Allah sur cette terre. وحب الأب والأم والزوجة والأولاد. Il aime les croyants et les croyantes. Il aime son père, sa mère. Il aime ses enfants, son épouse. لكن كله في الله. Mais tout cet amour-là envers toutes ces différentes créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne sont fondés que sur un seul amour, الحب في الله. L'amour envers Allah, tabaraka wa ta'ala. وعند المسلمين, في بعض المسلمين, chez certains musulmans, malheureusement, quelquefois le père de famille, si ses enfants font quelque chose d'interdit, il ne dit rien. Et lorsque tu lui dis pourquoi est-ce que tu leur interdis pas ces choses-là, qala uhibbuhum, parce que je les aime, j'ai pas envie de leur faire de la peine, j'ai pas envie de les déranger ou quoi que ce soit. في هذا الحال حب الأولاد أكبر من حب الله عز وجل. هذا الشرك في المحبة. Cet homme-là, dans cette circonstance-là, et précisément dans cette mas'ala de l'mahabba, de l'hub, l'amour, il aime plus ses enfants qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ses enfants font ce qu'Allah a interdit, ou disent ce qu'Allah a interdit, et lui, il ne dit rien. Il ne leur interdit pas. Or, celui qui aime Allah tabaraka wa ta'ala, et on a dit que l'amour des créatures d'Allah azza wa jal doit être basé sur l'amour d'Allah. Si Allah aime, on aime. Si Allah n'aime pas, on n'aime pas. كذلك المسلم تحبه لإيمانه ولا تحبه لمعصيته. Le croyant, il en est de même. Tu l'aimes pour sa foi, mais tu ne l'aimes pas pour son péché. La même personne, tu l'aimes pour sa foi, mais tu ne l'aimes pas pour son péché. Comment aimer et détester quelqu'un en même temps? C'est comme un sirop que tu vas prendre pour te soigner. Ce sirop-là, tu ne l'aimes pas pour son goût. Il a un goût amer que tu détestes. Mais tu l'aimes, pourquoi? Parce qu'il a un grand profit, c'est qu'il te guérit. Il est la base, la cause pour te guérir. Tu l'aimes et tu ne l'aimes pas en même temps. كذلك المسلم تحبه لإيمانه ولا تحبه لمعصيته. Tu l'aimes pour sa foi, mais tu ne l'aimes pas pour ses péchés. Donc tout cet amour-là, il est basé sur l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à la base. Cette femme-là, lorsqu'elle voit Youssouf, alayhi salatu wassalam, elle est prise d'un grand amour. Or, cet amour-là, il est erroné. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas mariée avec Youssouf, alayhi salatu wassalam. Alors que l'amour véritable, c'est l'amour en Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'elle aime cet homme-là pour Allah? Là, elle aime cet homme-là pour sa beauté. La preuve, c'est qu'elle veut commettre le péché avec lui. Et il n'est pas son mari. Cet homme-là lui est interdit. Et cet homme-là est un prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce qui montre que c'est une grande épreuve, le fait que lorsqu'un homme, une femme veut commettre l'acte avec lui. Al-ibtila, ça fait partie des épreuves. Et c'est une grande épreuve. Si un prophète, avec sa foi, est touché par ce genre d'épreuve, sachant qu'il a été touché par d'autres épreuves, parce que ses frères ont voulu quand même se débarrasser de lui, et au début avaient bien l'intention de le tuer, il a fallu que le plus grand, l'aîné, parle pour dire qu'on le jette dans le puits, et qu'on ne le tue pas. Ça, c'est déjà une grande épreuve. La deuxième épreuve aussi, on l'a séparé de son père, qui est lui-même un prophète d'Allah, alors qu'il était jeune. Puis ensuite, il se retrouve avec cette femme-là qui a essayé de le séduire. Cela prouve que c'est une grande épreuve. Plus la personne a la foi forte, plus son épreuve va avec sa foi. Les prophètes et les messagers, alayhi salatu wassalam, ont eu de grandes épreuves, conformément à leur foi. Ici, Youssouf, alayhi salatu wassalam, parmi cette épreuve, c'est qu'une femme veut le séduire. Et on trouve ça dans beaucoup d'ahadiths. Ashabul Kahf, les gens de la caverne, qui se sont retrouvés bloqués. L'un d'entre eux a mentionné quoi ? J'avais ma cousine que j'aimais le plus au monde, c'est la personne que j'aimais le plus au monde, et voulait faire le péché avec elle. Et au dernier moment, il l'a laissé. Il lui a donné l'argent, il lui a dit pars. Le fait qu'il a rejeté ça, c'est qu'il a réussi à une grande épreuve. Et par cela, Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert une partie, a débloqué une partie de la caverne afin qu'il puisse sortir. Kadhalik fil hadith, hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a mentionné un homme qui se trouve entre les quatre membres d'une femme, qui lui est interdite bien sûr. Les quatre membres sont les deux jambes et les deux bras. C'est-à-dire qu'il s'apprête à commettre l'acte interdit avec cette femme-là, qui lui est interdite. Et qui au dernier moment, il dit j'ai peur d'Allah, et il la délaisse, je ne peux que lui promettre le paradis. Je lui promets quoi ? Le paradis. Direct. Kadhalik fi hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont je peux me porter garant, c'est-à-dire je suis sûr qu'il a sauvegardé deux choses. Ce qu'il y a entre ses deux lèvres, c'est-à-dire sa langue. Hein, il n'a pas fait de mal avec sa langue. Il ne ment pas, il ne triche pas, il ne fait pas de namima, il ne fait pas le riba et d'autres mensonges ou autres. Il ne fait aucun mal avec sa langue. Et ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire sa partie intime, s'il sauvegarde ces deux-là, je lui promets le paradis. Al-Jannah. Cela prouve que ces choses-là sont de grandes épreuves pour l'homme. Plus pour l'homme que pour la femme. Limada. Comme il mentionne Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahmallah, il dit la femme en elle-même, elle est une beauté en elle-même. Ce n'est pas comme un homme. Walihada qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith, al-mar'atu kulluha awra. Et le prophète sallam l'a dit, la femme tout entière, c'est une awra, c'est-à-dire c'est une partie intime. Alors que ce n'est pas pareil pour une femme. Un homme qui regarde une femme, ce n'est pas comme une femme qui regarde un homme. Lorsqu'un homme regarde une femme, il suffit juste qu'il voit une partie de cette femme-là, découverte, pour qu'il il se peut qu'il ait le waswas. Alors que le mar'a, ce n'est pas comme ça. Un homme, il lui est interdit de regarder une femme qui lui est interdite. Allah Azzawajal l'a mentionné, de baisser le regard. Un homme n'a pas le droit de regarder une femme qui lui est interdite. Mais une femme qui regarde un homme, est-ce que cela est permis ? Si elle regarde biduni shahwa, sans pulsion et sans waswas, sans arrière-pensée, la ba's, min aqwalil ulama. Si un homme, il regarde, si une femme, elle regarde un homme, sans arrière-pensée, biduni shahwa, la ba's. Mais s'il intervient shahwa, la pulsion, ou le waswas, elle doit baisser le regard. Sachant que la base de tout, c'est de baisser le regard, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Parce que c'est ce qu'Allah tabaraka ta'ala a demandé. Mais là où la petite distinction va se faire, c'est la femme envers l'homme. Aïcha radiallahu anha, كانت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتها. Le prophète صلى الله عليه وسلم était avec Aïcha radiallahu anha. Et comme vous le savez, sa chambre était collée à la mosquée. Il y avait une fenêtre qui donnait sur la mosquée. La preuve, c'est que pendant l'irtikaf, le prophète صلى الله عليه وسلم penchait sa tête par cette fenêtre, et Aïcha radiallahu anha mettait de l'huile sur ses cheveux, sur les cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle, elle était chez elle. Et ce jour-là, il est mentionné qu'elle regardait les lanceurs de lance. Et elle les regardait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a là la preuve, comme l'a mentionné Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, que la femme, s'il n'y a pas de shahwa, biduni shahwa, biduni l'waswas, elle peut regarder la basse. Alors qu'un homme, quoi qu'il arrive, il lui est interdit de regarder une femme qui lui est interdite, tant qu'il n'est pas marié avec elle. ولهذا قال أهل العلم هم يقولون بفتنة النساء الإنسان يعني الرجل ينسى ربه ودينه وهو الصحيح. L'homme, par la fitna de la femme, de par sa beauté, il en oublie son Seigneur et sa religion. ينسى ربه ودينه. طيب. Alors ça a commencé à parler dans la ville. Pourquoi ça a commencé à parler? Parce que cette femme-là est connue. Ce n'est pas une femme comme les autres. C'est la femme d'un haut prétendant, de quelqu'un qui gouverne. Et il est connu que la femme du gouverneur, on cherche plus à savoir qu'est-ce qu'il en est d'elle que les autres femmes ou que les autres personnes qui font partie de la masse. Il en est de même pour le gouverneur ou la gouvernante. On cherche toujours, les gens cherchent toujours à savoir plus sur le gouverneur ou la gouvernante. Qu'est-ce qu'il en est d'eux, c'est quoi les nouvelles infos, etc. Plus que les gens de la masse. Or ces femmes-là, d'autres femmes ont commencé à parler sur elles. Elles ont considéré ça comme étant un rabaissement. Comment une femme d'un vizir, une femme noble, elle désire qui? Son esclave. Quelqu'un qui travaille pour elle. Un jeune homme qui travaille pour elle. Ce n'est pas noble d'une femme comme celle-ci. Voilà pourquoi ça a commencé à parler. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle les a invités. Elle les a invités et elle leur a préparé, comme il se devait à l'époque, plus à l'époque que maintenant, comme des divans avec de belles couvertures, avec de beaux coussins en soie, etc., etc. De manière à s'allonger correctement, à être à l'aise, et le fait avec de la nourriture, et en plus de cette nourriture, des couteaux. Un couteau pour chacune, afin qu'elle puisse manger de la nourriture avec ce couteau. Alors elles sont venues, et il est connu qu'à l'époque, les gens nobles mangeaient de manière allongée. C'est ce que le prophète a interdit, de ne pas manger accoudé. Lorsqu'on dit accoudé, ce n'est pas accoudé sur une chaise. Ce qu'il a interdit, c'est le fait de manger accoudé, comme faisaient les Romains ou autres de l'époque, les gens nobles. Ils s'allongeaient accoudés par terre, c'est-à-dire qu'ils étaient pratiquement allongés, et ils mangeaient. On a toujours cette image de la grappe de raisin, comme ça, allongée, en train de manger. C'est exactement cette position. Ça, c'est interdit. Fi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous est demandé, nous, c'est de manger assis. Tayyib. Puis elle a préparé Youssouf, alayhi salatu wassalam. Youssouf n'a même pas besoin d'être préparé pour sa beauté. Youssouf, alayhi salatu wassalam, lui a donné une grande beauté. Et à lui tout seul, Yusuf alayhi salat wa salam, ayatun min ayatillahi azza wa jal. Il est l'un des signes parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une créature comme lui est aussi beau que ça, كيف الخالق الله عز وجل si une créature comme Yusuf alayhi salat wa salam est aussi beau que ce qu'il est connu de lui, sachant que Yusuf alayhi salat wa salam était tellement beau qu'il cachait son visage lorsqu'il sortait afin de ne pas montrer son visage. Il cachait son visage tellement il était beau alayhi salat wa salam. L'une des questions qui se pose quelquefois, c'est, quelquefois tu entends les gens parler qui disent « Oui, un tel, il est un peu moche, ou l'un tel, il est beau, ou un tel est... » Awalan, l'ulama mentionne, il est vrai qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait de certaines personnes des gens beaux. Il y a des personnes qui sont beaux, des hommes ou des femmes qui sont beaux. Allah azza wa jalla a créé d'autres créatures qui ont la laideur, et d'autres qui sont entre les deux. Ce sont des gens, ni on dit qu'ils sont beaux, ni on dit qu'ils sont laids. Allah tabaraka wa ta'ala a fait les choses comme ça, bi hikmatihi. C'est sa sagesse, et Allah azza wa jalla fait ce qu'il veut. Et lorsqu'il a créé, il a dit qu'il a créé l'être humain d'une manière parfaite, na'am. Sa manière est parfaite. L'être humain, l'origine de l'homme en lui-même, c'est une création qui est parfaite. Maintenant, l'être humain en lui-même, aussi bien physiquement comme ses défauts, cela ne vient pas d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cela vient de l'être humain lui-même. Mais en ce qui concerne la beauté, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et il a fait en sorte que des gens ont cette sifa. Pourquoi Allah wa alam ? Allah azza wa jalla n'est pas interrogé sur ce qu'il crée, sur ce qu'il fait. Donc on a ces trois catégories de personnes au niveau du physique. Mais Allah tabaraka wa ta'ala ne regarde pas l'impression physique. Il regarde al-quloub, les cœurs, ce qu'il y a à l'intérieur des cœurs. Yusuf alayhi salatu wassalam détient une grande beauté en lui-même. Ces femmes-là, lorsqu'elles ont vu Yusuf, elles l'ont pris pour un ange. Pourquoi ? Parce qu'il est connu que chez les gens, un ange marque une perfection, une beauté. Lorsqu'elles l'ont vu, elles ont cru que c'était un ange. Elles ont dit, c'est pas possible qu'il soit min al-bashar, que ce soit un être humain. D'une beauté comme ça, ça n'existe pas. C'est comme si elles n'y ont pas cru de leurs propres yeux quand elles l'ont vu. Jusqu'à ce qu'elles ne s'aperçoivent même pas qu'elles sont en train de couper leurs mains. Alors qu'elles devaient couper avec quoi ? Elles devaient couper leur nourriture avec ces couteaux. Elles en sont arrivées à couper leurs mains. Si elles en arrivent à couper leurs mains, c'est-à-dire que ça veut dire que la vision de Yusuf, la beauté de Yusuf, leur a fait perdre l'aqal. Et la beauté d'une personne peut te faire perdre la raison. Et ça, tous les ulama le disent. Méfiez-vous de quelqu'un qui est trop beau, surtout l'homme envers la femme. Qu'il se méfie d'une femme qui est trop belle. Parce qu'elle va lui faire perdre l'aqal. Sa raison, il va la perdre. Al-insan da'if jiddan. L'homme, il est faible. Surtout devant une femme. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il promet le paradis à quelqu'un qui, au dernier moment, il recule, c'est que c'est pas pour rien. Et comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith, lorsqu'il a mentionné, il n'y a pas quelqu'un comme vous qui fait perdre l'aqal à un homme, qui fait perdre la raison à un homme. Fitnatun nisa. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح اتقوا الدنيا واتقوا النساء craignez la dunya, les choses de la dunya, sachant que les femmes font partie de la dunya. واتقوا النساء, et craignez la fitna de la femme, c'est-à-dire que tu vas être séduit. Et le prophète صلى الله عليه وسلم l'a bien mentionné, ce qui a perdu ceux d'avant vous, c'était beaucoup de questions. قيل وقال, hein, Léon dit, on m'a dit, je crois, etc. Beaucoup de questions. Des questions, tu poses des questions alors que tu n'es même pas concerné par la question. Et fitnatun nisa. Le fait de faire la fornication, wali'adhu billah. Et donc de t'éloigner tout ce qui peut te faire tomber dans ce genre de choses. ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Ce n'est pas un être humain, mais c'est certes un noble ange. Voilà le résultat de la vision de Yusuf alayhi salatu wassalam envers, hein, lorsque les femmes qui ont parlé sur la femme du vizir, eh ben elles se retrouvent exactement dans la même situation qu'elle. Ici on retire la leçon que si quelqu'un tombe dans une faute ou dans un péché, ne le critique pas. Mais fais bien attention à toi, parce que si tu es touché par la même épreuve, peut-être que tu feras pire que lui. Hein, c'est pour ça les savants ils vous disent toujours, ne critique pas les gens. C'est-à-dire dans quel sens? Quelquefois la critique elle est louable. Quelquefois la critique elle est louable. Il ne faut pas croire qu'on ne peut pas critiquer dans l'islam. On critique ce qui est critiquable. On critique ce qui va à l'envers du Coran et de la Sunna. Ce qui va à l'encontre du Coran et de la Sunna. Ça ne fait pas partie du mal. Ça fait partie de la nasiha, du conseil. Ce n'est pas parce qu'on critique une fausse idée, une fausse pensée, quelque chose qui est contre la religion que automatiquement on a fait un mal. Non. Quelquefois la critique est louable. Mais dans le sens, ne critiquez pas dans le sens où lui ne parle pas sur lui. Dis Allah al-afwa wal-afiya. Il demande à Allah qu'il t'épargne l'épreuve par laquelle lui a été touché. Parce que peut-être lui, il a commis ça dû à cette épreuve, peut-être que toi, dans la même épreuve, tu vas faire pire. Tu dis Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Peut-être que toi, tu feras pire. C'est ce qui s'est passé ici. Elles ont parlé, elles se sont moquées d'elles. Mais dès qu'elles ont vu Youssouf, elles ont ressenti exactement la même chose que cette femme-là a connue, au point de se couper les mains. Wa qala Yusuf alayhi salatu wassalam, qala rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Qala rabbi, rabb, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua al-anbiya wa rasul. عليهم الصلاة والسلام قالوا ربنا أو ربي رب. Il est connu que beaucoup de dua commencent par cette sifat d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est Rab, le Seigneur. Le Seigneur dans le sens où c'est lui qui crée. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est roi dans son royaume. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui gère son royaume comme il le veut. Ma'na Rab. Qu'est-ce qu'il dit? Qala Rabbi as-sijnu. La prison. La prison, mais préférable plutôt que de tomber dans ce à quoi elle m'appelle. As-sijnu, adab fi dunya. La prison, il faut savoir que c'est un châtiment dans la dunya. La preuve, c'est que quand on châtie quelqu'un qui a volé ou tué, etc., etc., où est-ce qu'on le met? On le met en prison. Hein? L'un des cauchemars de l'homme, c'est qu'il finisse en prison. Pourquoi? Parce que c'est dit, haps, on t'enferme, c'est un châtiment dans la dunya, le fait d'être enfermé comme ça. Mais ici, Yusuf, alayhi salatu wassalam, il a préféré adab al-dunya plutôt que adab al-akhir. Ou il tombe dans zina, dans la fornication avec ces femmes-là, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsque ces femmes l'ont vu, elles ont ressenti exactement la même chose que cette femme du vizir. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme du vizir? Elle a voulu commettre l'adultère, la fornication avec lui. Ces femmes-là ont eu la même chose, sauf que là, elles sont plusieurs. Voilà devant quoi il se retrouve Yusuf, alayhi salatu wassalam, avec ces femmes-là, qui n'ont qu'une chose en tête, commettre la fornication avec lui. Ce sont des femmes qui ont des rangs honorables. Il est connu que les femmes des rangs honorables, à l'époque, étaient d'une grande beauté. Il n'est pas devant n'importe qui. Il mentionne Allah, tabaraka wa ta'ala, il demande lui-même à Allah, azza wa jal, la prison m'est préférable, ce à quoi elle m'appelle. Ça veut dire, ou je vais en prison et je choisis le châtiment de la dunya, ou je commets la fornication avec elle et je choisis le châtiment de l'akhira, de l'au-delà, wa li'adhu billah. Oh Yusuf alayhi salatu wassalam, wa fi dinillahi azza wa jal, lui qui est ancré dans la religion d'Allah tabaraka ta'ala, l'a bien compris par sa science et par sa connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il vaut mieux être dans un châtiment de la dunya plutôt que dans un châtiment de l'au-delà. طيب. Puis il a continué en disant, et si tu n'écartes pas de moi leur ruse, je pencherai vers elle. Wa akun min al-jahilin. Et je serai certes parmi les ignorants. Yusuf alayhi salatu wa salam, avec bil-aqidati sahiha, wal-manhaj sahih, wa bi-ma'rifatillahi azza wa jal, wa bi-tawhid. Savant comme il est, Yusuf alayhi salam, car il est un prophète d'Allah, avec une aqida authentique, car il est un prophète d'Allah, une croyance authentique, parce qu'il est un prophète d'Allah, avec sa bonne compréhension de la religion, parce qu'il est un prophète d'Allah, tabaraka wa ta'ala, avec son accrochement à cette religion, la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit quoi? Délivre-moi de ça, sinon je vais tomber dans ce quoi elle m'invite. Kayfa nahnu? Kayfa nahnu? Qu'est-ce qu'il en est de nous? Nahnu min ad-du'afa wal masakin bil aqida wal manhaj wad din wa kullu. Et après tu entends des gens qui se disent à l'abri de la fornication. Quand tu lui dis il est tout seul avec une femme qui lui interdit, tu lui dis taqillah, reste pas tout seul avec elle. T'inquiète pas, il y a rien. Il n'y a rien. Ça a déjà commencé sans que tu ne t'en aperçoives. C'est quand tu vas tomber dans le péché, c'est après le péché que tu vas t'en rendre compte. Pour l'instant, tu es dans un cocon, tu es dans... Hein, le shaitan, il t'a embelli les choses. Tu crois que tu es dans le bien, là. C'est après que ça va arriver. C'est quand ce sera trop tard que tu vas t'en rendre compte du péché dans lequel tu es. Un prophète d'Allah, il a peur de tomber dans la fornication. Qu'est-ce qu'il en est d'un simple être humain comme nous, à notre époque, Zaman ou le fitna? Donc chacun doit se poser ce genre de questions et se remettre en cause. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تقربوا الزنا, n'approchez pas la fornication. ولا تقربوا, n'approchez pas les causes qui vont vous faire tomber là-dedans. Ne regarde pas des femmes qui te sont interdites, que ce soit dans la rue, que ce soit par tous les moyens. Ne parle pas avec des femmes qui te sont interdites. Ne serre pas la main à une femme qui t'est interdite, etc., etc. واتق الله عز وجل. Chacun se doit de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que les gens qui sont tombés dans la fornication, les gens qui ont commis la fornication, qui se retrouvent avec leur femme avec qui ils ont commis la fornication, qui attend un enfant, ça a commencé comment? Ça a commencé par un regard ou par serrer la main. Voilà comment ça a commencé. Si Allah tabaraka wa ta'ala, il connaît mieux ses créatures, il te connaît mieux que toi tu te connais. Si Allah azza wa jalla te dit ne fais pas telle chose et telle chose, sache que derrière il y a un grand mal. Alors arrête-toi avant de regretter. Arrête-toi avant de regretter. Il n'y a pas de temps pour t'arrêter. Tu peux t'arrêter quand tu veux, bi'idhnillahi ta'ala. C'est une question de taqwa, c'est une question d'iman, de foi. C'est une question de toi et ta connaissance d'Allah. وَلِهَذَا قَالَ يُوسُفْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Parce que sinon, si je tombe là-dedans, je fais partie des ignorants. Ça veut dire que je n'ai pas assez de connaissances dans la croyance, dans la aqida. Je n'ai pas assez de croyance dans la religion d'Allah. Je n'ai pas assez de connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bi asmaihi wa sifatihi wa ahkamihi wa af'alihi. Je ne connais pas assez Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ses noms, dans ses attributs, dans sa religion, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il décide, dans ses règles. Voilà pourquoi je tombe dans le péché. Cela prouve bien que je suis un jahil. Celui qui commet le péché est forcément un ignorant. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné lorsqu'il parle de ses créatures qu'ils commettent des péchés par ignorance. Non pas par ignorance du péché, mais par ignorance de celui envers qui ils commettent le péché. وَلَا يَعْرِفُ مَنْ هُوَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il connaît pas son Seigneur. Il connaît pas Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et ses attributs. Voilà pourquoi chacun d'entre nous ne peut pas se dire je suis à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça. Mais demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te t'éloigne de ces choses-là et toi fais des causes pour ne pas tomber dans ce genre de choses. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ Et Allah Azza wa Jal a exaucé son invocation. Puis on arrive à cet épisode où Yusuf alayhi salatu wa salam, après avoir échappé بِحَوْلِ Azza wa Jal, بِقُوَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, après avoir échappé à la fornication avec ces femmes-là, où il se retrouve en prison, alayhi salatu wa salam. Selon le sens des versets, deux valets entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit, je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre a dit, et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves, nous te voyons au nombre des bienfaisants. Verset 36 au verset 40. Puis il a répondu, la nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous arrive, c'est-à-dire votre nourriture. Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie sa vie future, la vie future. Et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub alayhim salatu wa salam. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur? Des seigneurs éparpillés ou Allah l'unique, le dominateur suprême? Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Certes, telle est la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. طيب. يوسف عليه الصلاة والسلام فتيان hein, deux valets, c'est-à-dire deux jeunes. Ils se retrouvent avec, en prison, dans une cellule avec deux jeunes. Deux valets, mais qui sont jeunes. Puis l'un d'entre eux, les deux ont fait un rêve. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que ces deux-là tombent dans la prison avec Yusuf, dans la même cellule que Yusuf. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait en sorte que les deux rêvent. Certes qu'ils passent un rêve différent, mais que les deux ont fait un rêve. Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'il l'a décidé bien longtemps à l'avance, et même avant la création, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, le stratagème d'Allah tabaraka wa ta'ala a commencé. Premièrement, en sauvant Yusuf, en l'amenant dans ce pays-là. Puis, en le ramenant en prison. Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut de ses créatures. Et Allah tabaraka wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il fait, contrairement à nous. Nous, quelquefois, on prend des décisions, mais on revient sur nos décisions. Quelquefois, on jure sur des choses et on revient sur cette décision, sur ce qu'on a voulu dire, ou ce sur quoi on a juré. Allah tabaraka wa ta'ala ne revient en rien sur ses décisions, puisqu'Allah Azza wa Jal ne se trompe pas. Allah tabaraka wa ta'ala est dénué de toute imperfection. وهو العليم والخبير. Allah est savant et il est informé. Tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui se passe sur cette terre, aussi bien dans le passé que dans le présent, que dans le futur, Allah tabaraka wa ta'ala le voit et l'entend. Comme ils ont dit à Salaf au Salah, même le sang qui coule dans tes veines, Allah Azza wa Jal le voit. Le sang qui coule dans tes veines, Allah tabaraka wa ta'ala le voit. والبصير والسميع والعليم والخبير. Allah voit tout, Allah entend tout, Allah est informé sur tout ce qui est caché et Allah est savant sur tout. quoi que les gens fassent à Youssouf, alayhi salat wa salam, Allah tabaraka wa ta'ala a déjà décrété ce qu'il adviendra de Youssouf. Et Allah tabaraka wa ta'ala a déjà décrété que deux jeunes iront dans la prison avec Youssouf, dans la même cellule que Youssouf, et feront de rêves qu'il va pouvoir interpréter par la science qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a révélée. Le premier a dit quoi ? Je me vois en rêve pressant du raisin. Et l'autre a dit, moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. C'est-à-dire qu'il a du pain sur sa tête et les oiseaux picorent, mangent carrément sur sa tête. Taïb. Ici, ces deux jeunes-là ont besoin de Youssouf, à ce moment-là. Ces rêves-là qu'ils font les intriguent tous les deux. Ils ont besoin de Youssouf, alayhi salat wa salam. Mais Youssouf, alayhi salat wa salam, lui aussi, il commence son stratagème dans fi da'wati ila Allah azza wa jalla, fi da'wati ila tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence son stratagème dans la da'wa. Il prépare al-quloub, les cœurs. Al-da'i, quelqu'un qui fait da'wa, il se doit de préparer les cœurs des gens qu'il a en face de lui. Il regarde qui il a en face de lui. Il discute avec les gens et il voit, il est informé à l'avance des gens qu'il a en face de lui et de ce qu'ils ont le plus besoin. Ici, ils ont besoin, ces deux-là, qu'on leur interprète les rêves. Mais est-ce que c'est la priorité? C'est chez ces deux jeunes hommes. Youssouf, alayhi salam, sait très bien que non. Il n'aura pas dit tout de suite, là voilà, je vous informe, c'est quoi l'interprétation. Non. Il vous saura donner l'interprétation avant même que la nourriture arrive vers vous. C'est-à-dire dans un laps de temps bref. Ce qui veut dire qu'ils vont rester. Ils vont attendre. Tu vas dire qu'ils n'ont pas trop le choix parce qu'ils sont en prison. Mais quand tu demandes quelque chose à quelqu'un et s'attarde, quelquefois après tu dis, vas-y, c'est bon. Eux, non. Et de ce laps de temps, ils vont en profiter. Pourquoi ? Pour appeler les gens au tawhid. À l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car il est un prophète d'Allah, alayhi salatu wa salam. Tayyib. Qala Yusuf, alayhi salatu wa salam, inni taraktu millata qawmin. J'ai délaissé la religion la fausse croyance d'un peuple qui ne croit pas en Allah tabaraka wa ta'ala. La yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Si tu remarques bien, fin nusus, ces deux piliers de la foi sont toujours réunis ensemble. Al imanu billah wa al imanu bil yawm al akhir. Al imanu billah wa al iman bil yawm al akhir. Youssouf alayhi salam, il délaisse. C'est-à-dire qu'il désavoue. Il désavoue quoi? Un peuple qui ne croit pas en Allah et au jour dernier. Et il désavoue cette fausse croyance qui pousse à croire à un autre qu'Allah, qui pousse à mécroire au jour dernier, à tout ce qu'il y a après la mort. Et c'est là qu'on voit bien qu'il est sur la même voie que Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa Ishaq et wa Yaqub. وقال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء أمر بالتوحيد والتحذير من الشرك. Comme tous les prophètes, il appelle ces deux jeunes là à embrasser le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et d'adorer Allah seul, et d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul. Ça, c'est mieux que l'interprétation des rêves. Beaucoup vont lire Sourate Yusuf, ils vont être pris. Ils vont rentrer dans quoi? Dans tout ce qui est l'histoire de Yusuf avec ses frères, l'histoire de Yusuf avec cette femme-là, puis ensuite avec les autres femmes, puis lorsqu'il va se retrouver devant le roi, puis lorsqu'il va encore se retrouver devant ses frères et autres et autres. Mais ce petit passage-là sur Tawhid, il va passer comme un coup de vent. Alors qu'en vérité, c'est le passage le plus important في سورة يوسف يدعو إلى توحيد الله عز وجل. وكم من الآيات في القرآن الله تبارك وتعالى أمر بالتوحيد. Combien de versets dans le Coran? Prenez le Coran, prenez le Mus'haf, prenez verset par verset et notez combien de fois Allah Azza wa Jalla parle du tawhid wa tahdhir min ash-shirk, et il interdit le shirk. Donc ces deux-là, c'est vrai qu'ils ont besoin qu'on interprète leurs rêves, mais ils ont surtout besoin de tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils détestent, qu'ils délaissent et qu'ils détestent toutes leurs fausses divinités à qui ils ont donné des noms, des statues avec des noms dessus. Des gens avec des noms dessus. حتى في امتي في امتنا في امه محمد صلى الله عليه واله وسلم بعض الناس هم يشركون بالله عز وجل. Combien de gens font du shirk billah في هذه الامه. Un prophète qui appelle au tawhid, qui appelle à délaisser le shirk, et sa communauté fait l'inverse. عند الصوفية avec leurs مشايخ, où l'un d'entre eux une fois il a dit: Cheikh, voilà, je vais me marier, donc j'aimerais inshallah que tu assistes à ce mariage. Le cheikh lui a dit: d'accord, mais attends, tu sais que chez nous il faut la baraka, et c'est moi qui dois mettre la baraka chez ta future épouse. ماذا قال? Pourquoi? Parce qu'il a une aqida qui fait en sorte que son shirk, là, il a pris la place d'Allah, Azza wa Jal. Il lui a donné sifat al-rububiyya. Qui donne le baraka? Allah, tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Allah, Azza wa Jal, donne le baraka. Il a cru que son shirk, là, il a cette sifat de donner le baraka. Mais quand le shirk lui dit: je vais mettre la baraka chez ton épouse, vous croyez que c'est quoi? C'est de faire l'acte avec elle. Alors il rentre dans la pièce, il ferme les portes. L'époux attend dehors, il fait ce qu'il fait avec elle, puis il ressort. Quelqu'un de normal, il s'énerverait. Mais lui, il a dans sa aqida ça. C'est que ce shirk-là, il a une place dans Rububiyya. Puis il se met en soujoud et lui embrasse les pieds et lui dit: Barakallahu fik li hadi al-baraka. Hada shirku billahi azza wa jal. Kayfa hada al-insan da'if, mubtadi', fasiq. ويزني عنده البركة هذا من الشرك بالله عز وجل هذه العقيدة فاسدة باطلة cette عقيدة-là elle n'est basée sur rien, ce n'est que du faux. وهذا من الشرك ويسجد له. Il se prosterne devant lui et lui embrasse les pieds et lui dit: qu'Allah te bénisse pour la baraka que tu as mis chez mon épouse. Il lui a tout enlevé, son dîn et son honneur. Parce que la femme d'un homme, ça fait partie de son honneur. Quand on touche à ta femme, on a touché à ton honneur. Ja'a as-sahabi ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit quoi? Il lui a dit: quand les hommes regardent ma femme, j'ai envie de leur crever les yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé sahaba, les autres, il lui a dit: vous l'avez vu lui? Je suis encore plus jaloux que lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala est encore plus jaloux qu'on lui associe dans l'adoration. الشرك. Ça c'est les quoi? C'est les traces qui sont restées du shirk qu'il commet. وَلِيَعْدُ بِاللَّهِ. Il donne des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala à qui? À leur mashaykh, à leur shaykh. Comme tu parles quelquefois avec un, tu lui dis: mais ton shaykh, ya akhi, il est égaré. Ne crois pas que c'est un min awliya illahi azza wa jal, qu'il est parmi les alliés d'Allah. Indahu shirk wal bid'ah wal fusq wa kada wa kada. Quelqu'un qui est le wali d'Allah, l'allié d'Allah, c'est quelqu'un qui est pieux, qui est à la sunna. Min ahli sunnati wal jama'a. Et lui, il te dit: chut, arrête. Le shirk, il peut nous entendre d'ici. Il est où ton shirk? Mon shirk, il est là des milliers de kilomètres d'ici. Mais tais-toi. Il peut nous entendre et après on va avoir la malédiction sur nous. Hada shirk billahi azza wa jal. Ma hada? Mais les gens, ils l'ont ça dans le cœur, subhanallah. Ils l'ont. Ils adorent leur shirk comme ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala se désavoue de cela. Ou ils mettent leur fausse croyance en quoi? En des statues, ou des pancartes, ou des tableaux, ou des bracelets, ou des bagues, ou des pendentifs. Et toute la aqida est basée sur ça. Si tu leur enlèves ça, ils préfèrent que tu enlèves son cœur plutôt que tu lui enlèves le pendentif. Adamin al-shirk. Ce ne sont que des objets et vous y avez mis des noms dessus. Comme a dit Youssouf, de fausses divinités auxquelles vous avez donné des noms, mais sur lesquelles aucune preuve d'Allah tabaraka wa ta'ala n'a été révélée, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Des bagues, les bagues porte-bonheur soi-disant, des bracelets, que si tu lui enlèves, tu lui enlevais toute sa vie. C'est ça sa aqida. Sa aqida, elle tient à quoi? Un bracelet, à une bague, à un pendentif. Comme on voit cet œil-là que beaucoup de, malheureusement, de musulmans portent autour d'eux. Hein, un œil. Ou bien la main avec les cinq doigts. Oui, dit khamsa fi aynik. Hada min ash-shirk billahi azza wa jal. Hada shirk. Wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Wa man mata ala ash-shirk lan yadkhul al-jannah abada. On trouve des tableaux avec des versets du Coran dans les maisons. Et quand tu lui dis ce Coran, pourquoi vous mettez le Coran chez vous? Ça, ça ramène la baraka dans la maison et ça porte bonheur et ça protège. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Est-ce que Ahad min as-sahaba, un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Non. Et eux savent mieux que vous ce qui protège. Et eux connaissent mieux que vous les causes qui protègent. Et ils ne l'ont pas fait. Ou quand on trouve dans la voiture la subha qui est accrochée, pour pas avoir d'accident. Kullu hadha batil. Aqidatun fasida. Tatawakkul 'ala Allah 'azza wa jal wa bil asbab ash-shar'i. Shar'iyya, avec des causes qui doivent être conformes à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Place ta confiance en Allah 'azza wa jal. Sois sur l'obéissance d'Allah 'azza wa jal. Fais tes du'a, les du'a du matin, les du'a du soir. Récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire. Récite les trois dernières du surat, trois fois après le Fajr, une fois chacune après le Dhuhr, une fois chacune après l'Asr, trois fois après le Maghrib, une fois chacune après l'Isha. Et bien, idhnillahi ta'ala, il ne t'arrivera rien du tout. Parce que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hada wa al-muwahid yad'u Allah azza wa jal. Man huwa ala kulli shay'in qadir. Allah azza wa jal. Ils adorent des hommes comme eux. Des hommes qui a fallu qu'ils aient une mère pour leur donner à manger. Est-ce que ça c'est une divinité? Des hommes qui mangent et qui lâchent leurs déchets. Ça c'est une divinité? Ahad min al-mushrikin fi zamanihi. Il y avait un mushrik de son époque où il adorait une statue. Il la regardait comme ça, il la contemplait. Mais il l'a contemplé par bil-ibad, c'est une adoration pour lui. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal wa ala kulli shay'in qadir. Regarde comment Allah tabaraka wa ta'ala, il a humilié cette fausse divinité. Il y a un petit renard qui est apparu, ça rire. Il s'est arrêté, il a fait tout comme un chien il fait. Il a levé sa patte, il a uriné sur la statue, il est reparti. Lui, il n'en a rien à faire de cette fausse divinité. El Mushrik, il a regardé comme ça, il a fait « Ma hada ?» J'adore quelque chose qui n'est même pas capable de se protéger d'un renard qui lui urine dessus. « Wa tarakahu ?» Wa ya'budullahi azza wa jal. Il l'a abandonné. Il l'a abandonné. Voilà pourquoi Ibrahim, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est avec son père, et sachez qu'Ibrahim, alayhi salatu wa salam, lorsqu'il est avec son père, il l'appelait Ya Abati, c'est mieux que Abi. Ya Abati, c'est mon très cher père. Mon très cher père. C'est un grand respect envers son père. Wa kana mushrikan, alors qu'il était mushrik. Mais fi bab ad-da'wa, pour bien l'appeler à l'islam, il lui a donné la plus belle sifat qu'un fils puisse donner à son père, qui est mon très cher père. Ya Abati, il ne l'a pas appelé Abi ou Baba. Ya Abati, quand il s'adresse à lui avec tout le respect, fi bab ad-da'wa bi kalimatin tayyibah, avec une bonne parole. Lorsqu'ils sont venus le voir, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a pris la hache, il a coupé toutes les statues, il l'a mis au-dessus, autour de la plus grande des statues. Et quand ils sont venus le réprimander, il lui a dit, ce que vous adorez, vous n'êtes pas capable de le faire? Voilà, khlas. Ce que vous adorez, ce que vous portez sur vous, ce que vous adorez en dehors d'Allah, tabaraka ta'ala, sont capables de quoi? Ils ne sont capables de rien, eux-mêmes ont été créés. Eux-mêmes sont comme vous. Ils mangent comme vous, ils dorment comme vous, ils s'épuisent comme vous, ils se fatiguent comme vous, ils ont les soucis comme vous. Pourquoi adorer quelqu'un qui est comme toi ou quelqu'un qui est, dont tu es plus fort que lui? Comme le mort qui est adoré par le vivant. Hein? Quand on trouve dans nos pays respectifs, Ya Sidi Foulen, tu es un allié d'Allah, demande à Allah ceci et cela, tawassulbi, bil amwat, adashirku billahi azza wa jal, huwa mayyit. Voilà Yasmer, voilà Yapsar, voilà Shay. Il peut ni parler, ni voir, ni entendre, ni tenir, ni marcher, ni courir. Il n'est plus rien, il n'est que de la terre. Mangé par des vers. Et toi tu invoques, alors que toi tu as encore du sang qui coule dans les veines, tu peux prendre, tu peux parler, tu peux entendre, voir, tu peux marcher, tu es plus capable que lui. Al-Qawi ya'budu ad-da'if. Al-Qawi ya'budu ad-da'if. Le fort adore le faible. Alors qu'il est demandé d'adorer plus fort que toi, plus haut que toi, Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. On continuera inshallah la suite de sourate Yusuf bi'idhnillahi ta'ala dimanche prochain inshallah ba'd ad-dhuhur. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.